16, elle est de 16. Moi j'ai jamais été hip hop. De la tête à la tête, elle est de 16. Fais du break sur des kilos d'eau. Val de derme, dans de mon fardeau. Jamais je drop, rap avec un slash planté dans les abdômes. Montant les bourbiers, défoncé au JB. Tu peux plus faire marche arrière quand tu sors à la BRB. Plus rien me fait marrer, surtout pas l'humour décamé. Fils à lunettes, mal luné, les chèques chez nous c'est inné. Nos fils sont vides de sens. Sur le parvis, je vide mon sang, notre avis dit mourir sur un bandit 600. Chante un zermite depuis que je suis adolescent. Pareil d'essence, pyromane, c'est dans nos vies que ça se ressent. Et j'ai touché le fond, la tête la première. Ma carrière dans une voiture de keuf, la pocket arrière. Moi je te parle de ce que je connais, le chant des civières. Le mec qui te plante par derrière, les bonnes résolutions se prennent au cimetière. M1 on sait transit, 25-26. Pour nous terrain c'est mort, c'était pas grossiste. 78, ma génération un peu de pacifiste. Institutionnel du crime multirécidiviste. L'État ne fera pas un deuxième trou de balle. Dissident, c'est écrit sur la pierre tombale. La faune à place flore, les balles qui défleurent. Qui a dit qu'on te pisse, à que la police avec des fleurs. Tu m'assassines, là où tu ne dis jamais les mots. Troisième milieu, inno, là j'ai plein de ces piquinos. Une tonne de sunglets, son héritage en homme. NEDCS, FTI, cellule autonome. 300 couronnes, jamais en retard pour être un fantôme. 752 dans la paume, les premiers symptômes. Mort au feu, j'ai vu le pire du pays qui m'a vu naître. L'État français, une pute qui jette ses gosses par la fenêtre. Un drame se cache derrière chaque boîte aux lettres. Un drame, une vie se gâche aux assiettes. Quand tu dois comparaître, c'est pour nous protéger du froid. Nos mères nous ont mis la cagoule. Les mirages en plein désert, du poison dans nos gourdes. Clat dans le mur, reconstruit, royal la vie courte. Couture tout le jour, on viendra me prendre ma liquide mout. Passe les baisses, chaque fois par jour, on fait la bise. La braise dans les yeux, j'suis la caillasse sur le pare-brise. Et ça fera mouche à chaque élection. Et ça dermouche, premier préfet, sud d'immigration. Un pendentif pour l'État, une icône de la réinsertion. Verbal, brolique, royal, y'a pas de révolution sans munitions. Nos diplômés font de la manutention. Et c'est les pénis circoncis qu'on interpelle avec coercition. Fils, n'écoute jamais la conseillère d'orientation. Pire, c'est le CAP, si tu l'esquives, l'incarcération. N2S.